La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler avec notre ami Charles Dubé-Bray des Raptors de Toronto. Je donnais pas cher de la peau des Raptors. Je vais vous dire une affaire, là. Je donnais pas cher du tout. Je pensais qu'elle en gagnait une suite aux deux défaites à Milwaukee, mais ils sont de retour. Et c'est maintenant 2-2. On en parle avec l'instructeur adjoint des Raptors 905. On rejoint Toronto. Charles Dubé-Bray. Salut, Charles. Salut, Danny. Charles, comme on s'en parlait en dehors des ondes, mais je veux t'en parler en ondes. Je veux que tu me dises en ondes ce que tu as dit en dehors des ondes. La foule à Toronto, est-ce que c'est Raptors? C'est beaucoup, on vit beaucoup, j'imagine, au rythme des Raptors, là. Oui. Ben, il y a forcément une grosse fièvre des playoffs de basket ici à Toronto. Hier soir au match, il y a un espace dehors pour les gens qu'on voit souvent à la télé, même à la télé nationale américaine. Bon, non seulement cet endroit-là est plein, mais il pourrait remplir quatre fois ce que ça contient. C'est rendu que la foule est refoule deux rues plus loin que le Scotiabank Arena. Donc vraiment, il y a une grosse foule qui vient à l'extérieur du Scotiabank Arena, puis à l'intérieur, ben, il y a une ambiance de folie, et surtout qu'on sent que les Raptors depuis les deux derniers matchs ont repris un petit peu d'ascendant psychologique, sans dire que le travail est fini, parce que Milwaukee a quand même eu la meilleure fiche de la NBA cette année, mais juste le fait de voir les Raptors revenir en vie, puis de se remettre à égalité avec les Bucks, ça a créé vraiment un bel engouement dans la ville. Dans le fond, ça pourrait quasiment être 3-1. Que tu regardes ça? Oui, ça pourrait être 3-1. J'ai envie de dire, ça pourrait être 3-1 dans les deux sens aussi, parce que les Bucks en ont perdu un en deuxième prolongation. Ouais, après, nous, on peut être... je pense que les deux équipes sont assez confiantes en leur capacité, parce que si tu veux, nous, dans le premier match, on a mené pendant presque 45 minutes, puis on menait 198, puis les Bucks ont fini avec 10-0 dans les trois dernières minutes, mais c'est un match que en termes de domination du match, on a eu l'ascendant sur eux pendant la grosse majorité du match, je dirais. Puis les deux derniers, ben on a été, même celui de la deuxième prolongation, on a mené longtemps aussi. Donc nous, on peut le voir comme l'équipe qui a été devant au score pendant le plus longtemps dans la série en ce moment, c'est nous. Même si ça veut pas dire grand-chose, parce que dans l'Ouest, les Blazers ont mené plus longtemps que les Warriors, puis ils se sont fait balayer en quatre. Puis je pense que Milwaukee doit se dire, ben nous, on est à une prolongation près de mener 3-1 dans la série aussi. Fait que je pense que tout le monde est conscient en ce moment. Puis ça va être intéressant de voir la courte série 2-3 qui s'en vient là, pour finir ça, puis déterminer qui va aller en finale. Hier, on a mentionné souvent, moi je disais que ce qui faisait la différence pour les Bucks, je me disais, ils sont plus reposés, la profondeur est là. Mais hier, on a vu finalement le banc, le fameux banc là, qui s'est élevé du côté des Raptors. Je pense entre autres à Vent League, 13 points. Powell, 18 points. Vent League, 13 points également. Ibaka, 17 points. C'était vraiment c'était la différence également. Là. Le banc, c'est donc important dans la NBA. Oui, c'est important. Mais le banc est toujours un peu raccourci en playoff. Ouais. En saison régulière, tu as tendance à jouer, disons, 10 joueurs à peu près. Deux joueurs à chaque position. En playoff, tu raccourcis ça en général à 9 à 8. Des joueurs qui vont évoluer à plusieurs positions dans le même match. Mais c'est vrai que les Raptors, disons, le banc avait sous-performé depuis le début des playoffs et de manière des fois un peu étrange, parce que il y a des statistiques avancées qui démontrent combien de bons tirs tu obtiens dans un match, pas juste le nombre de tirs tout court, mais la qualité des tirs que tu obtiens. Puis les Raptors ont obtenu beaucoup de tirs de qualité, même dans la série contre les Sixers. Dans tous les matchs, les Raptors ont eu plus de tirs de qualité que les Sixers, c'est ce que la statistique montrait. Tout simplement, ce qui est bizarre, c'est qu'en saison régulière, les Raptors ont fini deuxième de la NBA sur l'efficacité sur les tirs ouverts, et en playoff, on est largement en dessous des chiffres de saison régulière. Donc, en réalité, ce que ces chiffres-là semblaient vouloir dire, c'est que c'est tout simplement que, par un malheureux hasard, on se crée des bons lancers, mais on les met pas dedans. Puis c'est un peu l'impression qu'on avait quand on regardait Fred VanVleet, qui obtient des belles opportunités. Même chose pour Norman Powell, Serge Ibaka, qui a eu un peu de difficulté à démarrer pendant les playoffs. Mais éventuellement, je pense que Nick Nurse a jamais douté que finalement le vent changerait de côté. Puis hier, disons qu'il y a peut-être eu un côté aussi feu d'artifice, si tu veux, quand ça commence, ça se met à débouler de tout bord, tout côté. Mais c'était aussi un petit rappel que le banc des Raptors est performant, puis peut faire la différence dans des séries, même si Milwaukee, bien entendu, a un des meilleurs bancs de la NBA, eux aussi. Ça va être intéressant de voir la suite. J'ai hâte de voir comment tu vois la fin de cette série, là. Est-ce que Kawhi est blessé beaucoup? Parce qu'on disait qu'il était blessé, là. Ben, je pense qu'il est mal retombé sur une des actions au début du match, dans le match numéro 3. Bon, il reste que dans ce match-là, il termine le match à quoi? 36 points, 9 passes, 5 rebonds en jouant 52 minutes. Bien sûr que c'est à un moment de l'année où tu peux pas te permettre de l'asseoir. Je veux dire, la même chose arrivera en saison. Probablement que tu l'assois pour le reste du match, tu lui donnes 4-5 jours de repos, puis tout va bien. Je pense qu'il y a rien de grave dans son cas. Je pense qu'il y a aussi, suite à sa grosse blessure de l'année dernière, des petits résidus inflammatoires qu'il faut contrôler. Mais malheureusement, en playoff, t'as pas le luxe de dire aux joueurs, ben écoute, on va te donner un petit congé d'un match ou deux. Puis donc disons qu'il traîne ça. Hier, il était, à mon avis, clairement pas à 100%. Mais heureusement pour lui, dès le début du match, Kyle Lowry, Mark Gasol ont été très, très bons. Le banc est arrivé, donc il a reçu beaucoup d'énergie de la part de ses coéquipiers, ce qui fait que, malgré le fait qu'il a juste marqué 19 points, il a pu se concentrer sur sa défense, puis avoir un gros, gros impact sur le match, malgré le fait que sa production offensive est un peu plus basse. OK. Il semble heureux, là. Est-ce que je me trompe? Il a dit, nous avons une chance de marquer l'histoire. Il me semble que Kawhi, c'est un gars peu loquace. Puis là, des déclarations comme ça, ça semble qu'à quelque part, est-ce que je me trompe en disant que là, il semble bien à Toronto? Parce que Robin disait ça l'autre fois, il a l'air à s'amuser, là. Ben, écoute, on l'a vu après le tir qu'il a mis dans le match contre les Spurs. C'est sûr que vivre ces moments-là, c'est ce que les joueurs NBA veulent vivre. Donc, c'est un peu mystérieux comment ça s'est passé à San Antonio l'année dernière, mais quand finalement il s'est retrouvé échangé à Toronto, je pense que, bien sûr que dans la tête de Kawhi, il va avoir certains points d'interrogation, mais au final, de te retrouver avec une équipe sur les 30 équipes, il y en a 3 qui sont encore en vie. Donc, le championnat cette année, il peut aller soit à Golden State, à Milwaukee ou à Toronto, puis il s'est retrouvé dans une de ces équipes-là. Il en est grandement responsable, bien entendu, mais je pense que oui, il doit prendre beaucoup de plaisir à ça, parce que c'est facile de se trouver dans des situations. On a vu tellement de joueurs cette année, des Anthony Davis, ou même des joueurs dans des bonnes équipes, comme Kyrie Irving, qui semble démontrer du mécontentement par rapport à où ils sont, puis dans quelle situation ils voudraient se retrouver. Donc, d'être à Toronto, je pense que Kawhi est conscient qu'il est dans une belle situation, puis on verra qu'est-ce qu'il décide de faire cet été. Donc, Charles, dernière question. Je veux savoir ce que tu en penses. J'en ai parlé beaucoup avec Pascal. On parle beaucoup de la NBA à Montréal. Est-ce que tu y crois? Ben, je crois que Montréal peut accueillir une équipe et la faire vivre, ça oui, parce que Montréal c'est une ville qui a une grande population, qui serait, je pense, c'est la 17e plus grande ville d'Amérique du Nord, donc ça serait un marché moyen en NBA. Ils sont plus gros que quand même la moitié des équipes NBA ou presque. Après, c'est comment obtenir une équipe, c'est pas si compliqué, parce que je veux dire, ça fait quand même plus d'une décennie que on veut avoir les Nordiques à Québec, puis les Nordiques n'ont pas pointé le bout de leur nez. Ouais. Les expos à Montréal, je veux dire, on a beau souhaiter des choses, mais il y a quand même juste deux façons d'obtenir une équipe de sport, c'est soit par une expansion ou par un déménagement. La NBA en ce moment, j'ai envie de dire, il y a peut-être une ou deux équipes qui fonctionnent un petit peu moins bien au niveau économique. Mais bon, une de ces équipes-là, c'était la Nouvelle-Orléans, puis ils viennent d'obtenir le premier repêchage avec possiblement la grosse superstar des prochaines années qui peut atterrir là-bas. Donc, ça peut avoir un réel impact sur comment la communauté va s'impliquer autour de l'équipe. Il y a aussi toutes les questions des bails des équipes avec les arénas dans lesquelles ils jouent. Parce que des fois, il y a des équipes qui veulent déménager, mais qui auraient des pénalités financières dans des dizaines, voire même des fois des centaines de millions de dollars s'ils quittent leur bail. Des fois, ça peut être comme 30 millions par année qu'ils doivent à la ville. Donc les propriétaires préfèrent attendre que le bail expire. Donc, des fois, les déménagements sont pas simples. L'expansion, ben, l'NBA a dit qu'il n'y en aurait pas avant la fin du bail télé. Ils l'ont dit à demi-mot, donc c'est 2025. Et éventuellement, si l'NBA, mettons, disons, dans une dizaine d'années, passait à 31, 32 équipes, ça peut s'envisager. Mais tu as aussi des villes comme Las Vegas, comme Seattle, Mexico, même qui est en discussion. Saint-Louis, Pittsburgh, parce que, c'est des villes qui n'ont pas de... C'est ça, c'est que Montréal, à la limite, si demain matin l'NBA annonçait on veut passer à 35 équipes, je t'avoue que je serais assez confiant qu'une de ces équipes-là pourrait être Montréal. Après, l'NBA a rajouté une seule équipe depuis les Raptors. Donc, en 25 ans, ils ont rajouté une équipe. Donc, peut-être que dans les 15 prochaines années, il va y avoir deux nouvelles équipes. Et s'il y en a deux, ben est-ce que ça serait pas Seattle dans le Nord-Ouest américain, non, Las Vegas, vu ce qu'il y a eu avec les Golden Knights, avec le football, ou alors Mexico pour ouvrir un tout nouveau marché à l'NBA, un peu comme il avait fait avec Toronto et Vancouver il y a 25 ans. Donc, je suis, comme je te dis, si l'équipe arrive, je suis confiant qu'il y a moyen qu'elle reste bien en place, qu'elle s'installe bien, parce que les jeunes de Montréal aiment le basket, puis le basket est en expansion au Québec, mais ce qui est compliqué, c'est d'obtenir l'équipe en question. Ah, regarde, c'est clair. Moi, j'y crois pas, parce que quelque part, moi, j'ai dit, malgré tout ce que Michael Fortier l'a carrément dit, que c'est le défi actuellement. Le défi, c'est pas de trouver le 2 puis le 3 millions. Il semble confiant de l'avoir. Le défi, c'est de. De quelque part que Montréal l'obtienne, puis il y a d'autres villes qui l'ont, puis ça marche bien également. Ben oui, c'est ça. Puis les ligues sont pas non plus intéressées. Bon, on le voit avec le hockey. Pourquoi ils mettraient pas une équipe à Québec en plus? Qu'est-ce que ça change? Mais en réalité, bon, ils veulent pas non plus diluer le talent. Ils veulent quand même garder leurs produits un peu exclusifs aussi à certaines grandes villes. Ils veulent pas demain matin se retrouver avec 45 équipes par ligue professionnelle. Tu vois qu'à peu près toutes les ligues ont une trentaine d'équipes, 32 au football, 32 dans la Ligue nationale. Quand Seattle va rentrer au basket, on est à 30. Donc, on est toujours autour de ce chiffre-là. Puis après, ben, tu te dis, OK, combien de villes veulent une équipe de la NBA en ce moment? Donc, juste vite comme ça, moi, j'ai nommé Seattle, Las Vegas, Mexico, Montréal, ça fait 4, mais certainement que des villes comme Saint-Louis, Kansas City, Pittsburgh, Louisville peut-être qui a déjà été mentionné parce que le Kentucky est un état de basket. Il y a certainement au moins une dizaine de villes en Amérique du Nord en ce moment qui sont peut-être dans la même démarche que celle que Michael Fortier à Montréal. Donc, je pense que Michael Fortier, moi, j'ai une confiance que Montréal peut ramasser l'argent nécessaire pour mettre l'équipe en place. En plus, l'amphithéâtre existe déjà pour les Canadiens. Donc ça, c'est un plus, mais c'est vrai de peut-être 8 ou 9 autres villes en Amérique du Nord, et après, ben, la NBA fait ses choix. Donc, c'est plus là que je vois l'obstacle que dans le fait de dire, oh, maintenant, on a une équipe, il faut mettre 18 000 personnes dans le Centre Bell à tous les soirs. Ça, je pense que la ville de Montréal est capable de faire. Effectivement. On s'en reparle la semaine prochaine, Sean? Oui, sans problème. Sean Dubé-Bray, le stand entraîneur des Raptors 905, filiale des Raptors.